Bon, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. J'étais rendu la dernière semaine. Bah oui, c'était un bon passage. On a parlé de... Bon, on a parlé la semaine passée de... On était toujours en train de parler du sujet de la crainte d'Allah, d'avoir la crainte d'Allah. Et puis on expliquait qu'on doit avoir l'équilibre dans la crainte d'Allah, c'est-à-dire, comme on a déjà expliqué, on ne doit pas être seulement dans la crainte au point où on n'a plus d'espoir. Et on perd l'espoir en la miséricorde de Dieu ou le pardon. Puis on ne doit pas non plus être dans l'espoir seulement à un tel point qu'on exagère et qu'on oublie la crainte d'Allah. Donc, si on exagère dans un des deux, on va tomber dans l'extrémisme et on va s'égarer. Et donc, c'est ça que le cheikh l'expliquait. Puis là, il a mentionné les versets qui expliquent qu'on ne doit pas être, on doit pas se sentir en sécurité du châtiment d'Allah. On ne doit jamais se sentir en sécurité du châtiment d'Allah au point où on arrive à dire, bon, je sais que Dieu va pas me punir, va pas me pardonner. Je suis un bon musulman, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, donc je suis correct. Parce que tu penses comme ça, le shaitan il va te garer du bon chemin, parce que tu penses que tu es en sécurité. Et là, tu continues à faire des péchés, et puis jusqu'à ce que Allah soit là, te met son châtiment sur toi. Donc là, il te prend à un moment si tu n'en attendais pas, tu vois. Ben, c'est un des dangers aussi. Quand tu fais un péché, tu ne sais jamais. C'est ça que le chef t'a expliqué ici. Et il a mentionné un verset qui disait أَفَأَمْنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسِنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمْنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسِنَا ضُحًا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله وما يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أقفل شيخ الزي ومعنى الآية أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المتمادين في الكفر والمعاصي ذكر أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه ومكر الله هو أنه إذا عصاه العبد وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن العبد أنها من رضا الله ومن رضا الله عنه وهي إدراج له. الشيخ إلى مشان الدرسين يتكلم كل درس يتكلم فيه الله سبحانه وتعالى يزيد القرآن لمن يقرأ الترجمة كيف pour être pour comprendre encore mieux. Le chef il dit, est-ce que les gens de la cité se sont sentis en sécurité du châtiment, que notre châtiment les touche alors qu'ils sont en train de dormir, et que le châtiment tombe sur eux pendant qu'ils sont endormis, pendant la nuit, ou bien est-ce que les gens de la cité se sont sentis en sécurité que notre dur châtiment les touche durant en plein jour alors qu'ils sont en train de s'amuser? Et puis après, il dit, est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité contre le châtiment d'Allah? Mais dans ce verset, Allah SWT, il ne dit pas en fait, il n'utilise pas le terme châtiment, il utilise le terme al-makr. Al-makr, c'est comme une ruse ou un stratagème ou un complot ou un plan. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité contre le maître d'Allah, mais j'ai traduit ça moi par châtiment parce que c'est plus simple à traduire et plus facile à comprendre. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Personne ne se sent en sécurité contre le châtiment d'Allah excepté un peuple qui est perdu ou qui est perdant. Et le chef il explique la signification du verset, il dit ومعنى الآيات أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المتمادين في الكفر والمعاصي Donc il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la signification de ce verset, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'état de ces cités qui ont nié les prophètes, ils ont démenti les prophètes et qui se sont empêchés dans la mécréance et la désobéissance, alors Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que la chose qui les a poussés à se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah et de ne pas avoir la crainte d'Allah, c'est qu'ils ont eu la sécurité, c'est ça. C'est ça la chose qui nous a empêchés de se revenir sur le droit chemin, parce qu'ils ont été en sécurité. Ils se sont sentis en sécurité contre le châtiment d'Allah, puis qu'ils ont cru qu'ils n'ont pas besoin de craindre. Yani, c'est souvent parce qu'ils ont, par exemple, une mauvaise connaissance d'Allah, ou bien une mauvaise foi à propos d'Allah. Parce que comme le cheikh l'explique, il dit, et le maître d'Allah, ou la ruse d'Allah, comme j'ai traduit, comme étant le châtiment d'Allah, c'est que, il explique ce que ça signifie. Ça signifie que lorsque le serviteur désobéit à Allah, et met Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne des bénédictions, pas des bénédictions, mais il lui donne du bien, des biens dans ce monde. Alors, la personne commence à croire que Dieu est satisfait de lui. Et ça, c'est comme une sorte de façon pour que Allah est celui pour. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne du lus pour leur faire croire que, yani, qu'est-ce qu'ils font, Dieu est content. Et donc, eux, ils s'imaginent que, ah, mais si Dieu était fâché contre moi, j'aurais beaucoup de problèmes, j'aurais des châtiments, j'aurais des malheurs, mais étant donné que tout va bien, donc ça veut dire que Dieu m'aime, et Dieu est content de moi. Donc, en fait, ça c'est comme une sorte de piège, un piège que Allah subhanahu wa ta'ala donne pour les gens qui le désobéissent, pour qu'ils croient qu'ils sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Alors le chef il dit, فَهَاُولَا الْكَفَرَ أَمَنُوا بِمَكْرَ اللَّهِ بِهِمْ لَمَّا اسْتَدْرَجَهُمْ بِالسَّرَّاءِ وَالنِّعَمِ وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ وتمادوا في المعاصي حتى أهلكهم الله وحذر من جاء بعدهم أن يفعل مثل فعلهم فيصيبه ما أصابهم. Donc le chef dit, donc ces mécréants qui se sont cru en sécurité du châtiment d'Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala les a fait comme ça, il les a pris par son plan, c'est-à-dire il les a fait aller comme ça, il leur a donné du lus dans le bien et dans les bontés, et ils ont continué à désobéir à leurs messagers, et ils ont continué à s'entêter dans qu'est-ce qui est la désobéissance d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala par la suite les a châtiés et les a complètement anéantis, et il a ensuite averti ceux qui viennent après eux que s'ils font la même chose que ces gens-là, eh bien le même châtiment va les atteindre. Donc la même châtiment que les autres ont reçu, eh bien eux aussi vont le recevoir, le même châtiment. Après il dit, وقال سبحانه أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Donc le chef il dit, est-ce que les gens qui ont hérité la terre après que les peuples soient anéantis, est-ce qu'ils n'ont pas pris ça comme une considération pour être sur le droit chemin, que si on voulait, on pourrait les châtier eux aussi, on pourrait les frapper l'année de notre châtiment eux aussi pour leur péché, hein? Et qu'on pourrait aussi sceller leur cœur d'une façon à ce qu'ils ne pourraient plus entendre la guidance. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est comme s'il dit aux gens, vous qui êtes là maintenant, vous avez hérité de la terre après qu'on ait anéanti ceux qui étaient là avant vous. Est-ce que vous devez donc prendre, vous devez prendre comme une leçon qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui étaient là avant vous quand ils ont désobéi. Comme ça, vous devez comprendre que si vous désobéissez, vous devez et que vous continuez à faire des péchés, et bien, le même châtiment va vous atteindre. Celui que le châtiment qui nous a atteint va vous atteindre aussi. Et qu'on va sceller votre cœur. Et ça, c'est très dangereux, que Allah scelle notre cœur. Et après, le chef, il mentionne maintenant des trois choses qui fait qu'on doit toujours avoir la crainte d'Allah. Trois points qui fait que le serviteur doit toujours rester dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les mentionne et il explique. Il dit, le premier point, c'est que, il dit, قال بعض العلماء خوف العبد ينشأ من أمور هي أولا معرفته بالجناية وقبحها ثانيا تصديقه بالوعيد أن الله رتب على المعصية عقوبتها وثالثا كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة وحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. Donc le chef il dit, les savants ont dit, la crainte du serviteur vient de trois choses. La première chose, c'est de connaître le crime ou le péché et sa laideur. Et quand tu connais le péché, voilà, tu vois, premièrement, tu sais qu'est-ce que tu fais, c'est haram, que c'est un péché. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un péché, naturellement, tu ne vas pas vouloir arrêter de le faire. Et tu ne vas pas nécessairement avoir la crainte de le faire, parce que tu crois que ce n'est pas un péché. Donc, la première chose, c'est de connaître, et aussi de connaître justement pourquoi ce péché-là est mauvais en plus, pourquoi il est si laid, qu'est-ce qui le rend aussi dégoûtant, et qu'est-ce qui devrait te pousser à t'éloigner de ce péché-là. Quand tu connais ça, ça t'encourage à craindre Allah. La deuxième chose, c'est de croire en la menace. De croire en la menace qui est dans, à propos de ce péché-là. C'est-à-dire, Allah, par exemple, il a fait comme menace que celui qui fait un péché, il aura un châtiment en particulier. Peut-être que parfois, il l'a spécifiquement expliqué, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiquement décrit qu'il y a une punition spécifique pour un péché dans l'enfer, ou même dans cette vie, mais parfois, il n'a pas spécifiquement expliqué qu'il y a un châtiment particulier. Sauf qu'il a simplement dit que ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir la punition de l'enfer. Donc, des fois c'est une menace générale, et des fois c'est une menace plus spécifique. Mais dans tous les cas, on doit toujours se rappeler que, étant donné qu'on est croyant, on doit croire à cette menace. Et ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et à vouloir nous éloigner de ce péché-là. Et le troisième point, et ça, je pense, d'après moi, Allahu A'lam, c'est la chose la plus effrayante ou la plus apeurante qui fait que la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le fait que tu, même une fois que, par exemple, tu as su qu'est-ce que c'est le péché et tu as cru en la menace, eh bien, une autre chose qui doit te donner la crainte, c'est que tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de te repentir. Tu comprends? Parce que parfois, quelqu'un peut faire un péché et puis il va dire, ah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner, il va me repentir. Tu comprends? Sauf que, qu'est-ce qu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va te, va te, va te permettre la repentance, ou va te donner cette repentance. Oui, peut-être que Allah va mettre entre toi et la repentance un empêchement qui fait que tu ne seras pas capable de te repentir. Parce que une des conditions de la repentance, c'est que tu seras toi. Une des conditions de la repentance, c'est que tu aies le remords de ce que tu as fait. Mais comment tu vas faire pour te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas la remords dans ton cœur? Donc, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Peut-être que yani, il te bénit d'une certaine façon pour que tu puisses te repentir, et dans ce cas-là, Inch'Allah, tu seras pardonné. Mais si yani, tu ne peux pas te sentir en sécurité au point où tu vas dire « Je vais me repentir de mon péché avant yani, la mort ou plus tard. Je vais continuer à pécher maintenant jusqu'à ce que yani, je me repente, puis bientôt je vais me repentir. » Ou comme certains musulmans qui disent par exemple, ah maintenant je suis jeune, et là j'ai du temps, quand je vais être vieux, je vais commencer à pratiquer l'islam, je vais me repentir. Ça c'est une mauvaise conception, une mauvaise idée. Parce que qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre la repentance? Et qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala va pas te faire mourir tout de suite maintenant? Hein? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se sentir en sécurité contre les châtiments dans la frontale. Ah oui, subhanallah. Après le chef dit, « وَبِهَذِهِ الثَّلَاثَ يَتِمُّ لَهُ الْخَوْفُ قَبْلَ الذَّنْبِ وَبَعْدَهُ وَيَكُونُ خَوْفُهُ أَشَدُ » Le chef dit, « Et par ces trois points-là, la crainte devient plus complète avant le péché et après le péché. Hein? » Donc, c'est-à-dire quand tu penses à ces trois choses-là, tu vas avoir la crainte de faire le péché avant, puis si par exemple il t'arrive de tomber une fois dans le péché comme par faiblesse, hein, alors dans ta faiblesse tu tombes dans ce péché-là, et ben étant donné que tu as compris ces choses-là, tu vas avoir la crainte, donc ça va te pousser à te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après, le chef dit, وَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَنْقَطِعُ أَمَلُهُمْ لِلَّهِ أَبَدًا. وَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَنْقَطِعُ أَمَلُهُمْ لِلَّهِ أَبَدًا وَلَا يَيْأَسُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ في جميع الأحوال مهما اشتد الخطب وضعفت الأسباب. Donc le chef il dit, et les prophètes, ils n'avaient jamais perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala à aucun point, et ils n'ont jamais désespéré de la miséricorde d'Allah dans tous les états, dans n'importe quelle situation. Ils ont toujours un espoir complet en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe à quel niveau, même quand il n'y a plus de moyens possibles, logiques, qu'on peut imaginer quelque chose, et bien même à ce moment-là, il garde quand même la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne l'exemple d'Ibrahim, lorsque les anges sont venus lui annoncer la nouvelle qu'il va avoir un fils, alors qu'il était à un âge avancé. Hein? Donc le cheikh il dit, فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بالولد مع كبر سنه وحال زوجته التي يستبعد معها حصول الولد قال عند ذلك ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون لأنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم لكنه قال للملائكة أتبشرني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال ذلك على وجه التعجب والتفكر في عظيم قدرة الله ورحمته. الشيخ الإكسليك الجين لسك les anges sont venus annoncer à Ibrahim la bonne nouvelle d'un enfant alors qu'il était dans un âge très avancé, lui et sa femme, un âge où on n'espère pas habituellement d'avoir des enfants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset-là, Allah a mentionné que Ibrahim a dit, et qui perd l'espoir de la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Et après, il dit, c'est parce qu'il sait complètement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une puissance et une capacité totale de faire ce qu'il veut, et une miséricorde immense. Alors, il sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ce qu'il veut. Et donc, il garde toujours l'espoir en la miséricorde d'Allah. Mais les anges, il a dit aux anges, est-ce que vous m'annoncez de la naissance d'un enfant à mon âge? Alors, qu'est-ce que vous m'annoncez? Et donc, Ibrahim, il a dit ça aux anges parce qu'il était étonné. Mais il y a une joie des anges, hein? Dans un verset? Oui, dans un verset, c'est ça. Il y a un verset. Oui, quand il aura offert la nourriture, فَأَوْدَثَ مِنْهُمْ خِيفَ قَالُوا لَا تَخَفْ. Je pense qu'il n'a pas eu peur à cause de... Il n'a pas eu peur parce que... C'était des anges. Il n'a pas eu peur d'eux dans le sens que... Parce qu'il n'a pas la confiance en Allah. Mais peut-être parce que quand il aura offert la nourriture, puis il a vu qu'il ne touchait pas à la nourriture. Donc peut-être que c'est ça qui lui a fait un peu peur, mais ils lui ont dit par la suite, là, ça va. N'aie pas peur, oui, c'est ça. Après, وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لما اشتد به الأمر وتأزم الحال بفراق بنيه عظم رجاؤه بالله وطمعه برحمته وقال لبنيه الحاضرين عنده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. Donc, le cheikh il explique, il a dit, et même le prophète d'Allah, Ya'qub, lorsqu'il a eu une dure épreuve, et qu'il a été vraiment affligé par la séparation de ses fils, quand ses fils sont partis, et qu'il a perdu Youssef, et donc là, il avait peur qu'il allait perdre aussi son autre fils. Alors, à ce moment-là, quand ses fils sont venus, eh bien, il a dit à ses fils, oh mes enfants, allez voir Youssef et son frère, et ne perdez pas l'espoir. Parce que lui, Youssef, Yaqub, il savait que, il avait toujours confiance que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui ramener Youssef. Tu vois, quand ses frères avaient fait un complot contre lui, ils l'ont ramené puis ils l'ont jeté dans un puits. Mais quand ils sont revenus voir le père, ils ont ramené un vêtement avec du faux sang dessus. Okay? Puis ils ont dit, ah, mais le loup l'a mangé. Tu vois, mais malgré ça, le père, il avait toujours espoir qu'il allait retrouver Youssef. Et donc là, à ce moment-là, il leur disait justement, allez voir si vous n'allez pas trouver Youssef et son frère. Et ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, parce que personne ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les peuples mécréants. Wa qala ta'ala fa sabrun jamil. عسى الله أن يأتيهم أن يأتيني بهم جميعا une belle endurance. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. La belle patience, c'est quoi? c'est une patience qui n'est pas mélangée avec des plaintes, tu vois, ou, ça veut dire des fois tu peux endurer quelque chose, mais en même temps tu te plains, tu vois. Ah, j'ai mal, je suis malade, je suis fatigué, tu vois. Mais la belle patience, c'est, tu es patient, mais tu te plains pas. Ouais, c'est ça. Tu vas pas faire des plaintes. Tu vas pas dire quoi que ce soit, aucun commentaire. Juste, tu gardes ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ça c'est, Allah il l'appelle Sabrul Jalil, la belle patience. Hein? Et puis, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que, à propos de Job, peut-être qu'il en a mentionné justement après. En tout cas, Job, lui, il a tout perdu. Il a été malade, il a tout perdu. Et après, malgré tout, il a dit, je ne me plains qu'à Allah de tout ce qui peut m'arriver. C'est-à-dire, dans le sens que je ne vais pas me plaindre aux créatures, je vais me plaindre seulement au créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis te plaindre, c'est pas dans le sens que tu blâmes Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est comme, oui, c'est ça, ça tu acceptes. Il y a des êtres humains, quand ils ont une grande épreuve, ou quelque chose comme ça, ils commencent à accuser Allah ou insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, ils vont dire, oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, et ça c'est pas correct, parce que le croyant, il doit toujours être en confiance avec Allah, et toujours être reconnaissant et satisfait de ce que Allah lui donne, même si c'est une dure épreuve, tu vois. Exactement. Donc, peu importe la dureté ou la difficulté de l'épreuve que tu as, eh bien, il y aura toujours une épreuve qui sera plus difficile. Là, ok. Donc, qu'est-ce qu'il disait après? Je disais, oui, donc une belle patience. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va me les amener tous ensemble, va me tous les réunir, les fils. Donc il avait toujours l'espoir, il avait toujours l'espoir. On parle de Youssef avec son père Yaakoub. Yaakoub avait toujours l'espoir qu'il allait revoir ses enfants. Hein, toujours. Donc on explique qu'on doit toujours avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit jamais perdre l'espoir ou désespérer de la miséricorde d'Allah. Même si parfois, des fois, les choses paraissent presque impossibles. Hein? Même si les choses paraissent impossibles parfois, on doit toujours garder un espoir en Allah. Après, il dit « Wa hadha nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala Allahu anhu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayni iz huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كيف الحال يا شيخ الحمد لله حمزة سبا الحمد لله ممكن تنيني للبيع الحمد لله الحمد لله أنا كمانسي على ستة وي يوم دفعي أطلع سيزا ويدني شعري بيع سيزا سيزا كعمسين الحمد لله On avance un petit peu aussi. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, « Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayni iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa'azama raja'uhu 'inda ash-shiddah wa yaqulu wa'lam anna al-faraja ma'a al-karb. » notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit à son sujet dans le Coran, et lorsque les non-croyants, les croyants, l'ont fait sortir de Mecca, lui et son compagnon, Abu Bakr al-Siyani, alors, à un moment donné, ils se sont cachés dans une grotte. Et Abu Bakr, il avait peur que les mouchriquins allaient le voir. Alors, Abu Bakr lui a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, la tahzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire ne t'afflige pas, anyway. Allah est avec nous. Donc, c'est-à-dire que même à des moments les plus difficiles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam garde toujours un espoir à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, jamais. Parce que le vrai croyant, il ne perd jamais l'espoir, jamais. Même si tu as des malheurs, des grands malheurs qui peuvent t'atteindre, mais tu as toujours ta confiance en Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que cette vie te protège et que tu peu importe ce que tu gagnes ou ce que tu perds, et bien quand tu vas mourir, ça va tout être égal. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aussi dans un hadith, wa'alam an al-faraj ma'a al-karb. Lorsque vient l'affliction, vient la consolation. La consolation vient avec l'affliction. C'est-à-dire que quand il y a un problème, eh bien, c'est là que vient la victoire ou la solution du problème. Wallahu subhanahu yanha ibadahu alladhina kathurat dhunubuhum wa 'azamat jara'imuhum أن يحملهم ذلك على القنوط من رحمته وترك التوبة منها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فنهى سبحانه عباده أن تحملهم كثرة ذنوبهم على ترك التوبة واليأس من المغفرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le chef il dit que Allah nous interdit à ses serviteurs de perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous interdit de perdre l'espoir en lui. Et il dit que peu importe le nombre de nos péchés et la grandeur des crimes que quelqu'un peut commettre, eh bien, ça ne doit pas l'amener à perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et à laisser tomber la repentance. Ça veut dire, peu importe tes péchés, tu dois toujours avoir confiance que tu peux te repentir. Et tu ne dois jamais perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, il ne faut jamais exagérer dans faire des excès dans l'espoir, c'est-à-dire, tu as l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala à un tel point que tu ne le crains plus et tu continues à faire des péchés. Mais d'un autre côté non plus, il ne faut pas excéder dans la crainte au point où on oublie la miséricorde et la repentance. Oui, une balance, il faut être équilibré. Et donc, il mentionne un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Et repentez-vous à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. » Hein? Donc, il a interdit à ses serviteurs de laisser la grandeur ou le nombre des péchés nous faire perdre l'espoir en sa miséricorde et en son pardon. Et ce verset-là, c'est clair que les ulama, ils ont dit c'est que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à une personne qui se repent. Quelqu'un qui fait une repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les conditions pour la repentance. Il y a trois conditions pour la repentance, et parfois quatre. La première condition, c'est que tu dois avoir les remords pour les péchés que tu as fait. Tu as le remords, ça c'est le début de la repentance. Ok, al-nadam, en arabe. Et le deuxième, c'est que tu dois avoir, premièrement, tu dois cesser de commettre ce péché, immédiatement. C'est-à-dire arrêter tout de suite de le faire. Et tu ne dois pas dire je vais remettre la repentance à plus tard. Tu dois arrêter tout de suite. Troisièmement, tu dois dire que tu ne vas jamais refaire ce péché. C'est-à-dire tu dois être sincère et le faire avec conviction. C'est-à-dire que tu ne vas pas le faire avec la moitié de ton cœur. C'est-à-dire je vais faire la repentance, mais peut-être que peut-être je vais le refaire, non. Tu dois être convaincu que tu veux complètement l'arrêter. D'accord? Et ça, c'est les trois conditions. Et ça, c'est le péché quand tu fais, ça, c'est quand un péché que tu fais, qui concerne, quelque chose que tu fais en toi et Allah. Si le péché concerne une troisième personne, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a volé de l'argent à un autre, alors, pour que la repentance soit acceptée, il doit remettre le bien qu'il a pris à la personne, pour que Allah le pardonne. D'accord? Sinon, la repentance n'est pas sincère. Hein? Est-ce qu'il faut que la personne lui pardonne? Et ça sera le problème de la personne, à elle. Si elle veut le pardonner ou non. Oui, il faut. Mais parfois, il y a des gens qui sont durs, qui ne pardonnent pas à d'autres. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est le problème de la personne. Oui, toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as remis le bien à la personne. Maintenant, si la personne veut te pardonner, non, ça fait entre elle et elle. Ça, c'est son problème. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle refuse de te pardonner. Que, ça ne veut pas dire qu'Allah ne va pas te pardonner. والله اعلم يعني c'est pas nécessairement peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il va peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala quand te pardonne quand te répare eh ben tu n'as aucune punition peut-être donc et ça dépend du péché. Et puis aussi, c'est que parfois il y a une punition dans cette vie. Et c'est pour ça que pour le croyant, tout ce qu'il atteint est une expiation pour ses péchés. N'importe quel malaise, fatigue ou mal qui t'atteint et que tu endures, eh bien Allah t'enlève par ça des péchés. Par exemple, on va dire que si tu coupes un doigt, ou bien tu te piques avec une aiguille, ou bien tu tombes par terre, tu te fais mal à une jambe. Chaque chose que tu veux, ou même que tu tombes malade, tu as la grippe ou la fièvre, tout ça, ça s'enlève tes péchés. C'est des expiations. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui que Allah lui veut du bien, il lui fait avoir des épreuves, il lui donne des choses, des malheurs qui lui arrivent, qui fait que Dieu par ça expie ses péchés. Bien entendu, il ne faut pas souhaiter ces choses-là. Il ne faut pas souhaiter être malade. Tant qu'on est en bonne santé, il faut remercier Allah et être content de ça. On ne va pas demander à Allah la fitna ou la maladie. Sauf que si ça nous arrive, c'est une miséricorde pour le croyant. Tu comprends? Allah il nous efface par ça, Inch'Allah des péchés. Donc c'est pour ça que des fois tu te repens et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des gens qui se sont repentis. Et même ça peut être une chose bien. Être ça, mais aussi Allah il finit des péchés par des biens. Par exemple, quelqu'un fait des péchés, puis après il joue à la loterie, puis il gagne. La loterie c'est haram, et il gagne. Est-ce que ça veut dire que Allah, il va penser que Allah l'aime, ou bien que c'est une bonne chose, alors qu'en réalité, c'est une punition que Allah lui fait. Hein? Alors, exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention que quand tu vois que tu fais des péchés ou que tu es en train de faire un péché et que tu te repens pas et que des bonnes choses t'arrivent dans ta vie, pose-toi toujours des questions, remets-toi toujours en question. Est-ce que c'est pas un piège que Allah subhanahu wa ta'ala me fait pour que je persiste à faire ce péché-là sans que je m'en rende compte parce que je continue à le faire et je n'ai pas la crainte d'Allah. Donc Allah me punit d'une certaine façon, hein, malgré grâce. C'est pour ça que c'est pour faire attention. Mais qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de la repentance aussi? c'est que la personne qui se repent du péché, Allah transforme ce péché en bonne action. Parce que Allah dit dans le Coran, أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. La personne, par exemple, qui s'est repentie de son péché, bien, Allah, il va prendre ses mauvaises actions et puis les transforme en, il va prendre ses mauvaises actions et les transforme en hasanat, en des bonnes actions. Et la personne, bon, qui était mécréante, qui n'était pas musulmane, elle rentre dans l'islam, toutes ses mauvaises actions, il en devient des bonnes et puis il est récompensé pour ça. Hein? Donc c'est pour ça que, et toutes les choses bonnes qu'il faisait avant l'islam, elles comptent aussi, il sera récompensé pour ça. Donc c'est pour ça que c'est des bonnes choses. Toujours essayer de se repentir régulièrement. Yani tout le temps. Essayer de se repentir et revenir à son péché. Pas revenir à son péché, mais revenir à Allah, yani de son péché. C'est ce que je voulais dire. Après, الشيخ يقول وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من روح الله من الكبائر فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a compté le désespoir en la miséricorde d'Allah, parmi les grands péchés, c'est-à-dire parmi les kaba'ir. Et il a rapporté selon Ibn Abbas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé au sujet des kaba'ir, des grands péchés. Et la première chose qu'il a mentionné, c'était al-ishraq billah, c'est-à-dire de faire le shirk, d'associer à Allah quelqu'un ou quelque chose dans l'adoration. Ou deuxièmement, de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et troisièmement, de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah. Ça, c'est les trois choses qu'il a mentionnées parmi les kaba'ir, yani parmi les grands péchés. Yani parmi al-makr, yani al-amn min makrillah, c'est dans le sens que tu te sens en sécurité que même quand tu fais un péché, tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te châtier pour ce que tu fais. Même si ça se sentir en sécurité. Pardon? Al-Makr, c'est en fait le mot ça veut dire la ruse, le plan, le complot. Mais dans ce sens, Allah utilise le terme Makr dans le Coran pour dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, quand des gens font des péchés, il utilise cette ruse avec eux, parmi les, quand les croix sont les péchés, il leur donne du bien, pour il leur donne du lus, pour leur faire croire que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Ouais. Et puis, après. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, si quelqu'un est sincère envers Allah, il va s'en rendre compte, il va se repentir. Mais parfois, il y a des gens qui sont aveuglés par leurs péchés, ils ne voient pas ça. Et c'est une des choses qui doit nous faire toujours avoir la crainte. Parce qu'on ne sait jamais si Dieu va nous permettre de nous repenser. C'est ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un dit, bon, je fais le péché aujourd'hui, puis je vais me repentir. C'est pas si tu vas être capable. C'est jamais, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir peur de tomber dans le péché, puis après de ne pas être capable de se repentir. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est ce que tu dis dans toi-même. De toute façon, tout péché que tu fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Il savait même que tu allais le faire avant que tu l'as fait. Et il l'avait écrit déjà, avant que tu penses le faire. Donc, tout ce que tu fais a été écrit et prédestiné pour toi. D'accord? Mais après que une fois que le péché a été fait, qu'est-ce qui t'est obligatoire, c'est de te repentir ton temps. Parce que l'affaire a été faite. Avant de faire le péché, tu avais le choix. de le faire ou de ne pas le faire. Et tu as choisi de le faire, maintenant, c'est à toi maintenant de te repentir de ce péché-là. Hein? Donc, toujours quand tu fais quelque chose, tu te repentes. Tout le temps. Tout le temps, même après la prière, il finit de faire une adoration, il finit de repas. Il demande pardon à Allah, peut-être que quelqu'un d'entre nous a pris, puis après, pendant notre prière, on n'a pas fait la prière parfaitement, on a pensé à d'autres choses et tout, donc on se demande pardon à Allah. Et puis après, le chef, il mentionne, selon Ibn Abbas, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. Donc Ibn Mas'ud il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, en fait ça c'est une parole de Ibn Abbas, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a vu tout de suite que avant ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, ça équivaut à la même chose que le prophète avait dit, c'est que parmi les plus grands péchés, il y a le shirk billah, c'est-à-dire l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah, de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ça, c'est des choses qui font que une personne, ça, c'est des choses qui font partie des grands péchés. Ouais. Perdre l'espoir en tant que tel, là, déjà, c'est un péché. Ouais, c'est un des grands péchés. Il y en a parmi les kabaïs. Il y en a, c'est peut-être pas shirk, mais il y en a, ça fait partie de ces grands péchés-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné tout de suite après le shirk. Donc, ça te montre que c'est un degré très élevé parmi les kabaïs. Allah il pardonne le shirk à quelqu'un qui s'est repenti dans cette vie. Mais celui qui meurt en faisant le shirk, Allah ne pardonnera jamais. Car Allah dit dans le Coran, « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ » Celui qui fait le shirk avec Allah SWT, il sera interdit d'entrer au paradis. Mais il dit aussi dans une autre ayah dans le Coran, « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » Donc Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. La troisième, c'était de perdre l'espoir en Allah. Le premier c'était le shirk, le deuxième c'était perdre l'espoir, et le troisième c'est de se sentir en sécurité contre les châtiments d'Allah. Oui, de ne pas craindre Allah Yahweh. Non, c'est Al-Amn. Al-Amn ou Min Makrillah. Yani, Al-Amn, Al-Khawf, c'est la crainte. Yani, oui. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je me repens par jour 100 fois, et dans une autre, dans une riwaya il dit 70 fois, dans une autre riwaya il dit 100 fois. Donc, parfois, astagfirullah, oui. Mais, il y en a dans une journée, il se repentait minimum 70 ou 100 fois, yani. Mais, bien entendu, tu peux dire ça tout le temps. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oui, nous, en fait, lui, c'est exactement lui, le prophète d'Allah, donc, nous, on doit encore plus essayer de se repentir. Parfois, on oublie de se repentir. Mais il faut toujours se repentir. Et si jamais, c'est comme le prophète Hassan il a dit, اتقِ الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. C'est-à-dire, le premier c'est crains Allah où que tu sois et prescrire la mauvaise action par une bonne action et ça va l'effacer. Et un bon comportement avec les gens. الله أكبر الله أكبر دعوه الأذان وتسمع الطيب. السمع والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي رحمه. Donc, je me souviens quand j'étais à Al-Madina al-Munawwara, parfois les chouyouk, ils faisaient les durous, ils faisaient les cours, et puis après l'adhan, ils ne se levaient pas, ils ne se levaient jamais pour faire les deux rak'at, pour faire la sunnah. Et quand les gens demandaient, bien sûr, pourquoi on ne fait pas les deux rak'at sunnah, parce qu'il a dit, le ilm, la science, c'est plus important que. C'est plus important que les nawafil, c'est une plus grande adoration pour Allah que simplement faire deux rak'at de nawafil. Donc, eux, ils préféraient continuer à faire le darf jusqu'à l'iqama. Et quand c'est, alaykoum salam wa rahmatullah Hassan, comment ça va en faire? Ça va bien? Alhamdulillah, ça va. Ah oui. Parce que je pense que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine pour le Ramadan. Ou bien dans deux semaines. Oh, oui, c'est ça. C'est le dernier fin de semaine. Donc, pour en profiter. Et là, ouais, plus important que les nawafil. Exactement. Ah oui, ça c'est certain. Ça là, si quelqu'un te dit, t'as pas besoin de faire l'obligatoire là, c'est Dajjal, Shaytan. Comme il y a des soufis, moi j'ai entendu ça déjà. Il y a une femme, une fois, elle était dans une conférence avec un cheikh soufi qui parlait, et puis, quand c'était l'heure de la prière, elle s'est levée pour aller faire la prière. Et quand elle a fini, elle est revenue s'asseoir. Mais le soufi continuait à parler. Il n'y a personne d'autre qui s'est levé parmi les autres qui écoutaient. Alors elle a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas levé pour faire la prière? C'est obligatoire. Et bien, ils ont dit, mais non, parce que quand on était avec le cheikh, on parle de l'islam, puis on est allé à la Mecque. Dans nos esprits, on a fait la prière là-bas, oui. Donc on n'a plus besoin de faire la prière obligatoire. C'est incroyable. L'égarement de certaines personnes, là, il n'y a pas de limite, on ne peut pas imaginer. Exactement. Les autres, ils disent, mais. Parfait. Et bien, moi j'ai fait le hajj dans ma tête. Il peut aller faire le tawaf là maintenant et revenir. Aller faire la prière à Mecca et revenir. Non. Oui, après tout ça. Oui. On va essayer de terminer juste ce passage-là, parce qu'après, on va commencer la semaine prochaine, on va parler de l'autre sujet. À 6h30, même chose que maintenant, ça dépend. S'ils vont faire, ils vont peut-être changer les chiens, je vais voir. D'abord, c'est ça. Si ça change, on va voir. On va voir, Inch'Allah. Cela est vraiment, je suis pas certain encore de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Le cheikh dit, l'yamna al-qanout min rahmatillahi su'u zannin billah wa jahlun bisi'ati rahmatihi wa maghfiratihi wal-amnu min makrillahi jahlun billahi wa biqudratihi wa thiqatun bil-nafsi wa i'jabun biha wa fi thalika tanbihun ala an yakuna al-abdu da'iman bayna al-khawfi wal-raja فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله وإذا رجا لا يتمادى به الرجا حتى يأمن العقوبة. Donc le cheikh il dit, parce que de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu penses mal d'Allah, tu as des mauvaises pensées à propos d'Allah, tu penses du mal de lui, tu penses qu'il veut te gagner, il ne veut pas ton bien. Oui, c'est ça. Donc, quand tu penses comme ça, c'est une sorte d'ignorance. C'est une ignorance de la grandeur de la miséricorde de Dieu et de son pardon. Le prophète Rasulallah, il a dit, si les mécréants savaient la grandeur de la miséricorde d'Allah, ils n'auraient jamais espéré, ils n'auraient jamais pensé, ils n'auraient jamais perdu l'espoir, ils n'auraient jamais perdu l'espoir d'entrer au paradis. Ils n'auraient jamais perdu l'espoir d'entrer au paradis. Mais s'ils connaissaient la grandeur du châtiment d'Allah, ils auraient, les croyants auraient. Je ne me souviens plus exactement. Je vais retourner au hadith, je vais le dire la prochaine fois. Oui, tu comprends, je ne sais pas. C'est juste pour montrer là, les deux côtés. Après, il dit, et de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah, c'est une forme d'ignorance en Allah et en son pouvoir. Et parce que tu commences à. Si tu n'as pas la crainte d'Allah, et si tu es en sécurité contre son châtiment, c'est comme si en fait tu négliges la force de sa puissance. Que, comme s'il n'est pas capable, de t'attraper alors que tu sais qu'est-ce que tu fais. Et aussi, Yannick, c'est comme si par exemple tu as une sorte de. Tu es en confiance en toi. Tu as une confiance de toi au point où, Yannick, tu commences à te croire fort, Yannick, intouchable, exactement. Comme si Allah ne peut pas t'atteindre. Et donc, il y a il faut faire attention dans ça, qu'on ne doit jamais. On doit toujours rester entre la crainte et l'espoir. C'est-à-dire, lorsqu'on craint Allah, on ne doit pas non plus avoir une perte de notre espoir en lui. Et toujours rester en confiance, toujours rester en espoir avec la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'on a la confiance en la miséricorde d'Allah, eh bien, ça ne doit pas nous amener à se sentir en sécurité de sa punition. Et après, le chef de Dieu, وكان بعض السلف يستحبون للعبد أن يقوي في حال الصحة جانب الخوف وفي حالة المرض وعند الموت يقوي جانب الرجاء. Donc le cheikh il dit parmi les salafs, parmi les sahaba, les tabi'in, il y en a eux parmi certains d'entre eux, ils aimaient pendant qu'ils étaient en bonne santé, en état de force et de santé, ils préférerait mettre plus de force sur la crainte, plus d'importance sur la crainte. Et quand ils étaient dans un état de maladie ou de faiblesse, alors ou même avant la mort, et là ils mettaient plus d'importance sur l'espoir. فتوازن القلب بين الخوف والرجاء يدفع عن العمل الصالح يدفع على العمل الصالح والبعد عن المعاصي والتوبة من الذنوب. أما إذا أما إذا اختل توازن القلب فمال إلى جانب واحد فإن هذا مما يعطل حركة العمل ويسد سبيل التوبة ويوقع الهلاك. Donc le chef dit, lorsque il y a cet équilibre dans le cœur entre la crainte et l'espoir, alors ça pousse la personne à faire des bonnes actions. Et ça l'éloigne des péchés, et ça l'amène à se repentir de ses péchés. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre dans le cœur, autour de l'espoir et la crainte, alors ça penche d'un côté. Et donc ça empêche la personne de faire les actions, et ça l'éloigne de la repentance, et ça l'amène à la perte. Exactement, un des deux. Ça c'est un conseil, qu'est-ce que les salafs. Après le chef il dit وفيما قصه الله عن الأمم السابقة التي عطلت جانب الخوف فحل بها عقاب الله خير مذكر لأهل الإيمان فها هم قوم هود يقولون له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله عز وجل والإخلاص بهما إخلاص بالتوحيد إخلال والإخلال بهما إخلال بالتوحيد وإفساد للعقيدة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le peuple de Houd, il disait, ça nous est égal que tu nous avertisses ou que tu ne nous avertisses pas. Hein? nous ne serons pas punis, là on ne croit pas à toi. Donc Allah dit, ils nous ont reniés et à cause de ça, on les a anéantis. Hein? Donc ils disaient ça à leur prophète. Ils disaient, سواءٌ علينا أو عفنا أم لم تكن من الواعدين فنزلت قال كتني زعفت وكتني زعفت كتني زعفت فا ما كان فو يعني اللي زي كان بفتح اللي زي كان c'est les intentions des ancêtres, les intentions que ce que vos ancêtres racontaient là, c'est des choses qu'ils ont inventées, c'est pas vrai. Donc Allah il les a châtiés, il les a anéantis. Et la même chose qui est arrivée aujourd'hui, les kuffars aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un tremblement de terre, ou quand il y a un ouragan, ou une tornade, ou un volcan, ou des choses comme ça, ils disent, ah ça c'est la nature, c'est causé par des choses physiques, ouais, la nature, ou d'autres choses, par exemple, ah mais c'est parce qu'il y a une sorte de débalancement dans les plaques tectoniques, puis ça fait que... Ça crée un ils cherchent une excuse pour essayer d'expliquer pourquoi il y a un tremblement de terre. De toute façon, on va terminer. Donc, le coup franc, c'est quoi? Oui, les non-croyants, les mécréants. Donc, on va terminer ici. Et puis, on va continuer, Inch'Allah. Le prochain, on va faire un shirk fil mahabba. Le shirk dans l'amour.